Vos oreilles sont-elles prêtes pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante et pendant 3 heures, c'est ce qu'on va faire. On va déballer les nouveaux CD qu'on a reçus à la station. On va les entendre en même temps que vous. On va voir ce qui pourrait potentiellement entrer dans les palmarès de ces fous. Peut-être devenir des superstars de demain. Hein, peut-être. Peut-être pas aussi, parce qu'il y a des affaires qui vont sûrement être très mauvaises, comme à chaque semaine, ça arrive. On a reçu le nouvel album de Hot Chip, Made in the Dark, qu'on va entendre un petit peu plus tard. On a aussi reçu le dernier de Fidgetal, mais on commence par du francophone. Il n'y en a pas beaucoup cette semaine. Voici Saveur Marmelade, avec leur pièce bombe au chlore. Tout de suite, au poste d'écoute. Si ça te dit, ça sera samedi. C'est une tragédie. Quand je suis seul, la plupart du temps, je suis le fantôme, je suis le fantôme. Quand je suis seul, la plupart du temps, je suis le fantôme, je suis le fantôme. Je crasse pour pousser la réplique à tes obliques. Quand je suis seul, la plupart du temps, je suis un fantôme, je suis un fantôme. Quand je suis seul, la plupart du temps, je suis un fantôme, je suis un fantôme. Des multicolores à mes 4 temps. La conclusion trésor, un désir d'éclat. Quand je suis seul, la plupart du temps, je suis un fantôme, je suis un fantôme. La plupart du temps, je suis un fantôme, je suis un fantôme. le bébé venait de grandir tout d'un coup. Je vois l'expérience plus lourde que la paille. Devant, rapidement, sans livrer, à lui-même, sans parents, sans parents, sans parents. Ces gens, allongeant, s'effonçant, c'est sa patte, déchirant, ça que je fais. Et tu plais, et tu plais, quoi de réflexe. L'enfant, connaissant, que connaît. C'est pour le fond, l'enfant va à moi. Seulement le fond, alors papa, moi. Seulement le fond, alors papa, moi. Seulement le fond, alors papa, moi. Saveur marmelade et Dolce Vita précédé de Bombe au chlore. Oui, si dans le poste d'écoute, c'est un EP, un démo de seulement deux pièces, donc c'est tout ce qu'on a deux. Saveur marmelade, Phil Lips à la voix, la guitare et l'harmonica, Matt à la bass et Fred 9V à la batterie et la voix. Leur site web, c'est le saveurmarmelade.com ou myspace.com/saveurmarmelade. Et votre spectacle au Metric Bar, en fait, c'est demain, si vous écoutez en direct, le 9 février à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ensuite, le 12 février à 21h, ils ont une entrevue sur zradio.fm. Et le 14 mars à 21h, ils seront à l'Esco Griffe de Montréal. Parlons un petit peu de Saveur marmelade. Tous les pirates n'ont pas retrouvé leur or caché dans un coffre enfoui dans le sable. Les patriotes exaltés n'ont pas tous un bonnet phrygien à subtiliser sur le buste de Voltaire. Les amoureux n'ont pas tous un banc public où s'embrasser pour choquer les passants esselés. Tous les suicidés meurtris de ce monde ne trouveront pas la paix intérieure dans la mort. Et ces fantômes ainsi créés n'ont pas tous un manoir hanté. Les hippies militants échoués au coin de Hay Ashbury ont pour la plupart dilué leur raison de protester au bout d'une injection. Qu'est-ce que ça veut dire ce texte? On va bien voir. Tous les phonographes trouveront-ils ce disque à faire tourner? Et est-ce que toutes les ondes auront un intérêt pour ce son? Pourtant, je crois que toutes les radios indépendantes de mon coin trouveront une enveloppe scellant les deux plus récentes réalisations de Saveur marmelade. Un groupe originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, capitale miniaturisée de Seattle, fourmillant de nouvelles créations, reconnu pour son imagination sans bornes. Isolé, ce groupe formé de trois enfants du grunge, qui ont chacun cheminé vers leur découverte personnelle à chacun depuis février 2000, année de leur formation. Drôle de document de presse, hein? C'est bizarre. Devenu à leur insu un pilier de la scène locale, tant par la lecture de leur musique que leur fougue sur les planches et leur déboire sans fin, leur assurant une longévité hors du commun. D'accord. Je rappelle, le site web du groupe, c'est le www.saveurmarmelade.com. On passe de francophone à du jazz. Du francophone au jazz, oui. On va entendre l'album de Harley Card qui s'appelle Nonfiction avec en vedette Harley Card à la guitare électrique et acoustique, Matt Newton au piano, John Maharaj à la basse et Ethan Ardelli à la batterie. Tout de suite, voici la pièce Soft Bank et ça se passe maintenant dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales en même temps que vous au 89 FM. Thank you. Une très longue pièce de Harley Carr, de Softbank, de son nouvel album Non-Fiction. C'est le premier album du guitariste jazz et compositeur Harley Carr, avec 8 pièces originales par le guitariste, performées par son quartet, le Harley Carr Quartet. Le groupe, c'est dans le fond le pianiste Matt Newton, le bassiste John Maharaj et le batteur Ethan Ardelli. Si vous voulez plus d'informations, allez voir le harleycard.ca, harleycard.ca, ou encore le myspace.com, harleycard Quartet. Ça dit là-dessus qu'ils vont être en spectacle en février et mars en Ontario. Et d'ailleurs, le CD a été financé par le Conseil des arts de l'Ontario. harleycard.ca. On passe du jazz à du francophone. Naïla nous envoie l'album Conteuse d'étoiles. Elle lance son premier album le 13 février au Lion d'Or à Montréal. Son univers sonore cadencé, écoutez bien ça, c'est très très rempli de vérité. Son univers sonore cadencé, jumelé à l'extravagance du timbre de sa voix, donne le ton lyrique de ses complaintes urbaines. L'authenticité et la personnalité singulière de son terrain de jeu, son long jeu, a été enregistré durant l'été 2007, tout à fait unique dans le paysage de la chanson québécoise. Elle amène un vent de fraîcheur avec sa voix provocante sur un fond musical moderne à découvrir. J'adore ça, des beaux petits textes comme ça, là, remplis d'émotions. Son site web, c'est le naïla.ca, N-A-I-L-A.ca. On s'en va entendre à l'instant même la première pièce de son nouvel album Conteuse d'étoiles. Voici Parc La Joie. Dans le poste d'écoute. Ah ouais. J'arrive de visiter Constance, qui vient juste d'avoir 30 ans. Elle se demande pourquoi les hommes qu'elle rencontre ne sont jamais là pour bien longtemps. J'emprunte la rue Notre-Dame, ensuite je monte de l'Espérance, et là je tombe sur Isabelle, une ancienne voisine à moi. Me dit alors comment ça va, Naïla, et blablabli et blablabla. Elle me parle de tout et de rien, mais sous son air ok se cache un mari blessant. Je continue de monter, je prends l'avenue de l'Union, et je pense à toutes ces femmes que je connais et qui m'entristent mon affection, qui impulsent sans condition, qui se laissent glisser dans leur vieux rêve de poupée. Ah, à la recherche de l'amour consacré. vous synthoniser le poste d'écoute et tout de suite voici une deuxième pièce de Naïla, Tu t'en iras, de son album Conteuse d'étoiles. C'est au 89.1 FM et c'est maintenant. Naïla, l'album Conteuse d'étoiles et la pièce Tu t'en iras, précédée de Parc La Joie dans le poste d'écoute. On écoute une nouveauté musicale en même temps que vous pour la première fois, si vous ne le saviez pas. Donc, parlons un petit peu de cette Naïla, oui, une artiste montréalaise. Elle écrit sur son MySpace et je cite « À l'endroit où Naïla grandit, il y avait un fleuve, un vieux piano électrique et deux micros. Il y avait une petite enregistreuse à cassette et Gainsbourg qui jouait dans le tapis. Il y avait aussi un domaine abandonné près de l'eau, caché par de vieux arbres où il régnait l'ombre et la lumière, le vent et le silence. » En ce monde secret et singulier, Naïla, très jeune, aime aller y siffloter, y chanter et y enregistrer les petites mélodies qui lui viennent à l'esprit. C'est là que tout a commencé. Aujourd'hui musicienne, auteure, compositrice, interprète, libre et curieuse, Naïla jette son regard vraiment particulier sur le monde. Avec ses univers sonores rythmés où flotte l'extravagance de sa voix et la personnalité de ses textes, Naïla nous présente enfin son premier album intitulé « Conteuse d'étoiles » qui sortira le 5 février, bon, c'est fait, sur l'étiquette Indica Records. Tout à fait unique dans le paysage de la chanson québécoise, Naïla amène avec elle un vent de fraîcheur, peut-être un de ces vents qui l'accompagnait lors de ses promenades près du fleuve. C'est elle-même ou quelqu'un dans son équipe qui a écrit ça, quand même. Elle fait dans le pop Electronica French Pop, l'album « Conteuse d'étoiles » de Naïla. Allez voir le myspace.com/Naïla Music. musique ou encore le naila.ca, N-A-I-L-A.ca. On passe à un groupe canadien maintenant qui s'appelle Plants and Animals et tout de suite voici Bye Bye Bye. What's gonna happen to you? You have woke up too soon and found the world you're in. And now your feelings have changed. Say goodbye to before. La pièce du nouvel album Park Avenue de la formation Plants and Animals dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Donc, on a entendu Bye Bye et puis Good Friend, ça c'est ce qui vient de jouer. Plants and Animals, une lettre d'amour à Park Avenue en magasin le 26 février. Et ils vont être en spectacle aussi le 26 février à Montréal, à la Salle Arosa, le 27 à Québec, au Cercle et le 28 à Ottawa, aux Afod Beeble Brooks. Lisons le document de presse. Après 3 ans de travail, Plants and Animals lance Park Avenue, un album épique à saveur bohémienne. Plants and Animals est la 3e formation canadienne à signer avec l'étiquette montréalaise Secret City Records, qui a aussi Patrick Watson, un bon ami de ses fous, et puis Miracle Fortress. L'album sera disponible au Canada dès le 26 février et aux États-Unis à compter du 25 mars. Sur Bye Bye Bye, la première piste, aussi le premier extrait de l'album, les cuivres et les chœurs créent l'effet d'une chorale et Warren C. Spicer demande « What's gonna happen to you? » comme s'il racontait une histoire. Good Friend est une chanson avec un propos d'une jovialité sincère, « I wanna dance ». La pièce révèle les influences axées sur le groove, puis plonge ensuite dans une atmosphère plus sérieuse et atteint son apogée avec le grincement du violon de Sarah Neufeld, que l'on peut entendre sur 2 autres pistes de l'album et les sons percutants du Woodman, alias Matthew Woodley. Ça, c'est les 2 premières pièces qu'on a entendues. Ils décrivent à merveille toutes les pièces de l'album sur le document de presse. Pour obtenir des informations en ligne sur Plants and Animals, visitez le secretcityrecords.com ou encore le myspace.com/Plants and Animals. Voilà, leur album s'appelle Park Avenue, la formation Plants and Animals. Ils ont aussi un MySpace, là, au myspace.com/Plants and Animals. Très, très simple. On passe à un autre groupe canadien qui s'appelle Sleep Holiday. Et c'était très, très guttural, ça. Holiday. Pas très beau à la radio. L'album s'appelle The Sleep of Reason. Et en fait, c'est même pas un album, c'est seulement un EP de 4 pièces. On va commencer par Parasite. Et ça se passe maintenant dans le poste d'écoute. Émission qui découvre les nouveautés en même temps que vous pour la première fois au 89.fm. To the world of some tone. Goodbye to Les deux premières pièces du nouvel album de Sleep a Holiday, qui s'appelle The Sleep of Reason, on a entendu pour commencer Parasite, et ça c'était Orsatone. C'est un groupe de Colombie-Britannique qui vont être en spectacle un peu partout à Vancouver pendant le mois de février et de mars. Si vous voulez plus d'informations, c'est le myspace.com/sleepholiday ou le sonicbids.com/sleepholiday. Résumé de la première heure du poste d'écoute, on a entendu Saveur Marmelade avec leur hippie Bombo Clore slash Dolce Vita. On a entendu aussi Harley Card en jazz avec Nonfiction, Naila avec Conteuse d'étoiles, une artiste de Montréal. Ensuite, Plants and Animals avec Park Avenue. Et finalement, A Sleep Holiday avec The Sleep of Reason. On va terminer cette première heure du poste d'écoute par un album qui s'appelle Latin Giants of Jazz, Trip to Mambo Land featuring all stars of the former Tito Puente Orchestra. Il y a aussi en vedette là-dessus Randy Brecker, Tom Harrell, Bobby Porcelli et le regretté Mario Rivera. Tout de suite, on écoute la pièce Cuero Nama et plus tard, ce sera Mientras Yo Viva, si le temps le permet, dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Cero, como repica el bongo, cuero, cuero nada más, cuero nada más, timbalero, timbalero, pero que suena el timbal, el tumbador se va a botar, cuando le dé a la conga pone a todo el mundo a bailar, cuero, cuero nada más, cuero nada más, vamos a formar la rumba, pero que vamos a gozar. Cero. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, conguero. Timba, timba, timba, timba, timba, timbalero. Cuero nada más, cuero nada más. Oigan a los muchachos cómo se van a botar. Cuero, cuero nada más, cuero nada más. Ya se formó la rumba, ven. Todos a bailar. Cuero nada más, cuero nada más. Solicitado quedan todos los percusionistas que vengan al lugar. Cuero nada más, cuero nada más. Y cuando Johnny Rodríguez el Dandy toque el bongo, sé que se van a asombrar. We'll be right back. cuando vienen a bailar. Prepárense bien, rumbero, y ahora sí se va a formar. Este lío lo vamos a hacer, que lo pueda resolver. Estos tres percusionistas que tienen la mano encima de la mala. Volvemos de nuevo con los gigantes latinos, a ponernos a bailar en cualquier esquina, digo. Y vean que siento es cierto lo que vengo yo a cantar, para que puedan gozarlo. Aquí los vengo a deleitar. Querida, Bon, attends, c'est la deuxième heure du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales en même temps que vous. Pour la première fois, on commence cette deuxième heure par un artiste qui nous titille, nous agace depuis des mois avec des pièces qu'il nous envoie par single, à coup d'une pièce par quelques mois. Et on se demande quand est-ce qu'il va sortir son album. Eh bien, le voilà. Il s'appelle Charmed and Strange. L'artiste, c'est Yoav. Et tout de suite, voici Adore, Adore. J'espère qu'on va adorer, adorer le CD. Et plus tard, on a reçu un autre single. Imaginez, ils nous ont envoyé l'album et encore, il contient que c'est single. Ça n'arrête plus. Club Thing, remixé par Ghislain Poirier. On va entendre ça plus tard dans le poste d'écoute, mais tout de suite, c'est Adore, Adore, suivi de Club Thing, la version normale de la pièce. 89 FM dans vos oreilles. Club thing. That if you get behind the velvet curtain, you'll see that nothing's as sweet as it looks on my TV. You need a cold solar concrete here, and you gotta feel without pity. You need a cold solar concrete here, just like the soul of the city. From the corner, he waits for her to stumble. He knows that he's the king of the cardboard jungle. He knows he can't afford what it pays to enslave her. He's got a hunger for the sweetest of favors. Depuis longtemps, et c'est en fin de compte très très bon. C'est Yoav avec son nouvel album Charmed and Strange, la pièce Club Thing, précédée de A Door, A Door, Parlons de lui parce qu'il nous a envoyé un document de presse écrit en français. J'aime ça. L'album sera en magasin à compter du 4 mars. L'auteur-compositeur Yoav nous présente son tout premier album, Charmed and Strange, qui sera disponible en magasin à travers le Canada à compter du 4 mars. Après une tournée de 48 dates avec Tori Amos qui s'est avérée un véritable succès, Yoav nous revient avec ce premier opus. Né en Israël et élevé à Cape Town en Afrique du Sud, Yoav habite maintenant à Londres après avoir séjourné un peu partout, notamment à New York et à Montréal. Sur son premier album, il marie une infinité d'influences sonores à une grande innovation technique. Compositeur prodigieusement imaginatif, Yoav s'est incorporé des éléments de hip-hop, de musique électronique et de drum and bass pour créer un style de musique qui lui est propre. Il remplace le traditionnel sampling de ses autres genres avec des sonorités de batterie et de synthétiseurs mystérieusement générés par sa guitare acoustique et sa voix extraordinaire. Évidemment, document de presse envoyé par l'étiquette. Avec les 11 chansons de Charmed and Strange, Yoav a essayé de traduire la dance music en musique pour guitare. Et je cite, « Je me sentais comme un DJ, j'ai mixé avec guitare comme si c'était une platine. » Charmed and Strange reçoit déjà un accueil chaleureux à la fois de la critique et du public. Son plus récent extrait Club Thing a d'ailleurs récemment été joué en rotation à The Edge à Toronto et a été la chanson de la semaine sur iTunes en Angleterre le mois dernier. Pour en connaître davantage sur Yoav, il faut visiter le www.yoavmusic.com, yoavmusic.com ou encore le myspace.com/yoavmusic. Il y a été un petit peu de constance dans ses affaires. Donc, 5 mars à 20h au Cabaret de Montréal, si vous voulez le voir en spectacle près d'ici, le Cabaret Montréal, 5 mars à 20h. On a la chance aussi d'avoir reçu un single de Yoav de la pièce Club Thing remixée par Ghislain Poirier. Et je me suis dit que ça vaudrait peut-être la peine de l'entendre. Pourquoi pas? C'est ce qu'on écoute à l'instant même là. Là, ici. Ah là là. Ben oui. Ah ben gadon. Ça a l'air bon, hein? C'est Ghislain Poirier. Et Yoav. Dans le poste d'écoute. Au 89.5. But a club thing. Yeah. Le remix par Ghislain Poirier de la pièce Club Thing de Yoav. C'est vraiment très, très similaire, ça. Vraiment très similaire. Je sais pas si ça valait la peine de faire un remix de ça, mais bon. Yoav, Club Thing. On passe à un autre groupe canadien. Celui-là s'appelle Cedar. Et leur album, wow, c'est Sturdy Soldier Do Your Worst. Ouais, c'est ça, avec une drôle de police, mais quand même. Et on écoute à l'instant même la pièce Erosion dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales en même temps que vous au 89.1 FM. Ça, c'est la radio campus de Trois-Rivières, t'sais. Et partout dans le monde sur le cif.ca. Et sur internet ou unechance.com en balado-diffusion, avec les liens de tous les artistes. Belle place, unechance.com. C'est ça. Au retour, on écoute une autre pièce de Cedar et on découvre l'album de Ugdumskullen dans le poste d'écoute au 89.fm. Vous synthonisez le poste d'écoute et tout de suite, voici une deuxième pièce de Cedar, les Sending Stars. I'm La formation ontarienne Cedar avec Descending Stars précédée de Erosion de leur nouvel album Sturdy Soldier Do Your Worst. Plusieurs influences pour eux selon leur MySpace, entre autres The Cure, il y a aussi Sonic Youth, et puis le band est composé de Pete Nickerson, Jeremy Drury, Brett Trader. Ils étaient au secondaire à Lindsay en Ontario ensemble. Ils sont séparés un peu avec le temps. Ils ont participé à d'autres bands à Toronto. Ils ont arrêté. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient plus de plaisir du tout, et puis ils ont essayé de retrouver ce plaisir, et ils ont vu que c'était devant eux depuis le début. C'était leur groupe d'amis du secondaire. Donc voilà, bons amis de Cedar, cedarsongs.ca, c'est leur site web, ou le myspace.com/cedarsongs, où vous pouvez entendre des pièces dont Scared et Sex Bell de leur nouvel album Sturdy Soldier Do Your Worst, Cedar. On passe à Umdumskullen et leur album Cry Baby. C'est un groupe qui vient, je crois que c'était, oui, de Norvège. Umdumskullen, un petit peu de post-punk progressif, new wave. On va voir de quoi ça a l'air avec la pièce Ordinary Sun maintenant en poste d'écoute au 89.1 FM. I'm sorry. Angdon Scullin et leur album Crybaby. La pièce s'appelait Ordinary Sun. Et pour commencer, ça c'était Glory Hole. Beau petit groupe avec un logo très très gluant en arrière. Angdon Scullin, post-punk progressif New Wave de Bergen en Norvège. Les membres du band, regardez bien ça, c'est Christian Stockhaus, Hoyvin Solheim et Frode Kvinge Flatland. Quelle belle prononciation. myspace.com/ungdomscullin ou le ungdomscullin.com. Passez donc par lunechance.com à la place et allez cliquer sur le lien, ça va être un petit peu plus facile pour vous. Maintenant, bien, on va écouter une minuscule pièce de punk de Time Again. Leur album, c'est Darker Days et voici Day Like This. This is my world. Dans le positif. This is my life. Again et la pièce Day Like This de leur album Darker Days. C'est un groupe de Los Angeles en Californie qui font évidemment du punk. Time Again Band ou myspace.com/timeagain. Maintenant, je suis en compagnie d'Alain Lefebvre, l'animateur de rock classique. Oui, bonjour. Je viens vous parler d'une formation canadienne. J'en ai parlé il y a quelques semaines à l'émission avec Classic. Formation canadienne de métal progressif qui s'appelle Alpha Galatis. Et j'ai réalisé la semaine dernière une entrevue avec la claviériste Harmony qu'on écoute tout de suite. Salut Harmony. Hey, salut, comment ça va? Ça va bien, tu nous appelles de où? De Toronto. De Toronto? Le groupe est originaire de l'Alberta, je pense. Medicine Hat s'appelait The Hollow à l'origine, je pense? Oui, non, seulement 4 membres de la groupe étaient de Medicine Hat. Moi, je viens de Toronto. OK, tu t'es joint au groupe quand? Deux années passées, actuellement. Pourquoi le changement de nom? Est-ce que la musique est différente? On a changé le nom parce que pendant les quelques années passées, on a changé la direction musicale de la groupe. Mm-hmm. Alors, et puis on a ajouté deux autres membres. Alors, c'était naturel de changer le nom aussi. Peux-tu nous parler justement des autres membres du groupe? Oui, on commence avec Matthew, qui joue les drums. Et okay. Puis il chante aussi. Et puis Todd est lead guitar. Mm-hmm. Karen a joué la bass. Mm-hmm. Rowan est aussi guitare et moi je joue les keyboards. Et tu chantes aussi? Oui, alors tous les personnes dans la groupe chantent. Oui, back vocals ou lead vocals? Non, back vocals. OK. Le nom de votre formation est assez particulier. Pourquoi avoir choisi ce nom-là? Quelle en est la signification? Alpha Galatis? Yeah. Alpha Galatis était une société secrète qui existait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et pour nous, c'était seulement un nom qui était intéressant. Alors, ça, c'est pourquoi on l'a adopté. Parle-nous de tes influences. Quels sont les artistes qui vous ont influencé? Pour nous, il y a beaucoup des artistes comme Queen, Pink Floyd, Iron Maiden, il y a beaucoup. Il y a trop de nommés pour moi. Beaucoup de classic rock. Oui, beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y a des groupes actuels qui vous influencent en ce moment, à ce moment-ci? Oh, oui. OK, je m'excuse. Tool. Et puis Muse, je ne sais pas si tu les connais. Oui, tout à fait. Alors, Muse, personnellement, c'est ma groupe préférée. Et je pense que c'est tout pour les groupes qui existent maintenant. C'est plus des influences classic rock, comme on disait. Là. Oui, beaucoup, beaucoup. Votre nouvel album sort le 12 février. Peux-tu nous en parler un peu? Non, ça sort le 19 de février. OK. Tu peux nous en parler un peu? Oui. Oui? C'était un album qui a pris 3 années à enregistrer. Et puis, ça a commencé avec, je pense que c'était 11 chansons. Et puis, pendant les 3 années... on a adé des chansons et puis réenregistré beaucoup et puis on a mixé avec Joe Barresi qui a fait le tour album. Okay. Et puis on a c'était fini je pensais que c'était 5 mois passés et puis maintenant on a réenregistré 3 autres chansons qu'on a mettre sur une version deluxe. OK. Qui vient avec des 5 chansons qui étaient mixed en 5.1 surround. Mm-hmm. Et puis aussi un vidéo sur le deluxe aussi. Alors, c'était quelque chose qui était continuellement changé pendant les passées années. La pièce Love Despair en particulier est vraiment excellente. Peux-tu nous en parler un peu? Love Despair, c'est un favori de nous autres aussi. Mm-hmm. c'était une chanson qui a été écrite particulièrement avec love, mais pas comme amour dans le sens d'amour. C'est comme quand il y a deux personnes qui avaient une relation et break-up. OK. C'est une pièce qui parle de rupture. Yeah. Excuse, c'est un petit peu difficile pour expliquer pour moi. Parce que j'ai pas écrit cette chanson, c'était Matthew qui a écrit. OK. So. Est-ce que c'est Matthew qui est le compositeur principal? Oui. Oui. Yes. Mais vous participez tous à l'élaboration des pièces quand même? Pour moi, j'écris beaucoup. Toutes les choses qui étaient sur le piano, mm-hmm, et le keyboard, c'est tout moi. OK. Côté spectacle, qu'est-ce qui s'en vient? Demain, on joue à London. OK. Et puis, mardi prochain, on joue à une place qui s'appelle Tattoo, ici en Toronto. OK. Et puis, mars, on embarque en tour avec Grimskunk. Oh! Mm. OK. Tournée canadienne? Oui, une tour canadienne. Ah! Peut-être que vous allez passer par Trois-Rivières. Oui, je pense. Ce serait le fun. Écoute, je te remercie infiniment d'avoir pris la peine de nous appeler. OK, merci. Bonjour, c'est la troisième heure du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous, sauf pendant le bloc fidèle au poste. Et justement, j'appelle Dring Dring, Danny Janvier. Oui, allô? Hey, ça répond. Bonjour, Danny, ça va bien? Bonjour, ça va bien. De quoi tu nous parles cette semaine? Je vous parle de Fidgetal. Bien oui, genre un quatrième album. Ben, c'est difficile avec Fidgetal parce qu'ils ont fait plein de EP, des albums... des mini-albums, comme on dit en français, et des albums réguliers. Donc, je me rappelle pas. Je pense que c'est le troisième réel album. Là, j'ai pas vraiment regardé là-dessus. Mais ça avait Fidgetal, un petit groupe de Vancouver, qui sort Departure. Alors, ben, c'est ça. On va aller écouter une pièce, puis je vous en reparle un petit peu entre deux. Ce que je te dis, c'est quoi la pièce? Dis-moi là-dedans, va. C'est la pièce Souvenir. Oh, Souvenir d'antan. Donc la pièce Souvenir, une petite pièce très courte, très bonne, de Fidgetal, très bon projet. Et c'est le fun que j'ai appris en cherchant un peu sur eux autres, qui ont gagné le Canadian Independent Music Award. Donc c'est quand même bien. Mm-hmm. Ils ont gagné plusieurs prix, même devant des gros noms, là, comme ben, peut-être pour les gens qui... La population normale, on ne les connaîtra pas, mais Plastic Man, qui est comme reconnu à travers le monde, ils ont gagné devant lui, devant plusieurs autres. Plusieurs pièces ont été choisies pour des émissions de télé, prime time aux États-Unis, même ABC, Fox. Plusieurs pièces ici à la télévision canadienne. Et Fidgetal, ben, c'est Kate Gillard au keyboard, qui est aussi le membre principal, le membre fondateur, celui qui compose le plus. Il y a Ryan Slemko qui est vocal. Sur cet album-là, il fait moins de vocal. Il a participé quand même à la composition, mais il fait du très beau design. C'est lui qui fait le design qui est... Moi, j'aime bien la pochette. On voit un zeppelin dessus, comme ça. Je le montre à mon co-animateur ici. À l'animateur principal, excusez-moi. un très bel album. Moi, souvent, les pochettes de Fidgetal, je les aimais pas. Ben, ils faisaient un peu, en tout cas, pixelisé, mais voulu. C'était vraiment voulu. Ça faisait un peu enfant. Pourtant, ça ressemblait pas... un jeu vidéo, un peu. Ça ressemblait pas, je trouve, à la musique en tant que telle. Mais bon, cet album-là est très new jazz, breakbeat, un peu pop. Certaines pièces avec du vocal, parce qu'on sait que Fidgetal a souvent quand même du vocal dans ses pièces. Moi, bien sûr, si vous êtes un habitué du poste d'écoute ou d'ancienne chanson coureur, eh bien, vous savez, souvent, il faut vraiment que le vocal soit bon dans l'électronique, je trouve. Dans Fidgetal, moi, c'est pas toujours ce que j'aime le plus, mais il y a toujours la musique en tant que telle, moi, je la trouve vraiment bonne. Même les pièces que j'aime moins, le vocal, je réussirais à l'écouter puis à le trouver bon, parce que c'est très recherché, c'est planant, c'est toujours des nouveaux sons, des belles textures, vraiment le fun. En gros, c'est ça. Hein. J'ai oublié de parler aussi du bassman et du drummer, Brian Barry et Craig Birdman. Et puis, c'est ça, on va aller écouter une autre petite pièce, et j'ai encore choisi une pièce qui est instrumentale. C'est la pièce H1B, tout de suite, au poste d'écoute. Thank you. la pièce H1B de la formation Fidgetal, formation canadienne de Vancouver, et qui vient de sortir son dernier album 2008, Departure. La pièce était vraiment bonne, hein? C'est très, très excellent. Très dub, très relax. Est-ce que c'est relax comme ça tout le long de l'album? Ben, c'est une super bonne question, parce qu'on sait que Fidgetal, des fois, c'était quand même un peu... ça bouge quand même petit peu. Un petit peu plus beaté. Cet album-là, je dirais, il est quand même assez relax. Vraiment plus dub, plus ambiant. Beaucoup, vraiment, l'influence New Jazz. Avant, me semble, c'était moins ça. Et on explique facilement le truc, parce que sur chaque pièce, à part la pièce qu'on a écoutée tantôt, Souvenir, eh bien, il y a des artistes invités qui viennent jouer de la flûte, de la harpe, du violon, pas tout en même temps, là, mais sur une pièce, ça va être de la flûte, sur l'autre, ça va être de la harpe, sur l'autre, ça va être de la trompette, du saxophone. Ça amène vraiment une couleur, justement, une couleur jazz. Et moi, j'aime bien ça. C'est vraiment trippant. Puis ça donne vraiment un autre son à Fidgetal. Je pense que ça va les faire avancer dans une autre direction, puis ils vont aller chercher d'autres mondes qui sont moins électroniques. Moi, j'ai bien aimé. Et puis, ben, étant donné qu'on a du temps, on va aller écouter une pièce avec de la voix, justement. Et puis, du saxophone, c'est Cherry NG, ou je sais pas comment le nom de famille, c'est NG. Comment tu le dirais? Je sais pas. Cherry NG. Donc, peut-être une asiatique, ou je sais pas. Donc, on va écouter la pièce Make Up Friends de l'album Departure de Fidgetal. We'll be right back. Make Up Friends de l'album Departure de la formation canadienne Fidgetall. Bonne pièce. Oui, très bon. Très, très accrocheur. As-tu vu dans cette pièce-là, la voix elle dérange tellement pas. C'est juste une petite voix très, très aérienne, je pourrais dire. Certaines autres pièces, il y en a vraiment plus, mais c'est quand même accrocheur. Je pense que, comme je te dis, après quelques écoutes, je ferais « wow ». C'est juste que j'ai pas écouté l'album en 50 fois. Là. Je l'ai écouté quelques fois comme ça. Donc, ben, c'est ça. C'est, si vous aimez le genre, ben, procurez-vous. Ben oui, fidgetall.com. Le site web Fidgetall avec Departure. On passe maintenant à Hot Chip. Leur nouvel album s'appelle Made in the Dark. J'étais pas au courant qu'il y avait un nouvel album qui s'en venait. J'étais très excité quand je l'ai vu apparaître. On écoute une pièce tout de suite qui s'appelle Out at the Pictures dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Stop and stare. When, when, when, when, when. Vous synthonisez le poste d'écoute et tout de suite une deuxième pièce de Hot Chip. Voici Shake a Fist. Hey, brasse le piton de ton joystick. Ton joystick, brasse-y un peu, là. Brasse-y le joystick. Brasse-y le joystick. J'essaie de trouver un mot pour la boule en haut, mais pas trop vulgaire à un moment donné. Hein. Ben là, hein, ça va faire. Further, I'd like to show you all a game I made up. This game is called Sounds of the Studio. And it can be played with any record, including this one. You may be surprised. Now, if you have a pair of headphones, you better get them out and get them cranked up, because they're really going to help you. La crew de Hot Chip. C'est un crew. Ben oui. Hot Chip avec l'album Made in the Dark. Et la pièce, c'était Ready for the Floor. C'était précédé de Shake a Fist et de Out at the Pictures. Nouvel album de Hot Chip. Excellent, moi, je dis, en tout cas. Non, j'ai bien aimé, ouais. Vraiment, là, c'est vraiment quelque chose de très, très bon. Allez voir le hotchip.co.uk pour avoir plus d'informations sur le band ou encore passer par myspace/hotchip, ben, .com, premièrement, ça. Quand tu tapes une adresse, tu mets le .com, ça aide d'habitude. Hein? Bon. Donc, Hotchip et puis Made in the Dark. On passe à un album de la formation The Wind Whistles et l'album s'appelle Window Sills. Voici tout de suite Gold Fever. Fever. J'aime ça le nom. Oui, oui. Wind Whistles. Mark the devil by a stone and the rock they surely go. So I've come to stake my claim. Long main avenue. I believe that this here town was built on hollow ground. Down underneath our feet are treasures to be found. I dig for friendship. I dig for love. I dig for all the things that I've been dreaming of. La voix très venteuse de The Wind Whistles. Ouh. L'album Window Sills. Et ça, c'est la pièce Communications Dead. C'était précédé de Gold Fever, de leur nouvel album. C'est un groupe de Vancouver qui fait du folk indie acoustique. Les membres sont Tom, Liza et leurs amis et leur famille. myspace.com/TheWindWhistles. C'est leur site web si vous voulez plus d'informations sur eux. Et juste avant, Hot Chip, tantôt, j'ai oublié de dire qu'ils seront en spectacle le 15 avril. C'est à 20h au Métropolis de Montréal. Et j'ai oublié de dire aussi que c'était un groupe de Londres, au Royaume-Uni. En passant, ton groupe de Vancouver, le Wind Whistle, c'est ça? Ouais, c'est ça, je crois. Ouais. Ben, ça se ressemble beaucoup, hein, les pièces, c'est pareil. Les pièces, la guitare, c'était exactement la même chose, sauf que l'air de la voix changeait. Mais moi, j'aimais ça. Là. J'aime ce petit côté folk-là. Ça fait très BC, justement. Mais en tout cas, il devrait apprendre quelques accords différents. OK, The Wind Whistles. Si vous voulez aller voir tous les liens de l'émission d'aujourd'hui, d'ailleurs, allez voir le www.unechance.com. Vous allez voir que dans la troisième heure, on a entendu Fidgetal avec Departure, Hot Chip avec Made in the Dark, The Wind Whistles et Window Sill. On s'en va entendre le dernier album de cette semaine, Captain Morgan's Revenge de la formation Ale Storm. Je sais pas si ça a rapport avec de l'alcool, un ale. On dit ça des fois. C'est du Scottish Pirate Metal, ça. Ça va être bon. Ça va être très Korpiklaani, un petit peu comme dans les palmarès il y a quelques temps. Donc, on va entendre ça dans quelques secondes avec la pièce Over the Seas. Moi, je vous remercie d'avoir été là au poste d'écoute cette semaine. Danny Janvier, merci. Merci à vous à la maison. Moi, je vous retrouve à La Connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo les jeudis à 11h et les mardis à 9h. Et dans les palmarès, c'est fou, les vendredis soirs à 17h. Le poste d'écoute est en direct le vendredi matin à 10h et en rediffusion les samedis et les mardis à partir de 13h. Soyez là, j'y serai. Hein, d'autres chez moi, peut-être, ou d'ailleurs. C'est sûr que je vais être là. Sûr. D'esprit. De voix. Hein? Bonne semaine. Bonne chance. Bye bye. Rock Classique suit avec Hélène Lefebvre les vendredis à 13h. Into the night, over the seas, our quest has begun. years ago, while lost in barren seas, there whispered murmurs of a bloody mutiny. We took up arms and slayed the officers of rank, and with swords drawn made the captain walk the plank. But as he fell down to the depths, he swore a deadly curse. As sure as hell's my final fate, you'll all soon die or worse. Now as we stand before the gallows waiting for the end, I'll say these final words, my friend. At sunrise we all dance a hempen jig, so raise up your pint of rum and take another swig. The curse of Captain Morgan has led us to this fate, so have no fear and don't look back, the afterlife awaits. We return to port with sorrow in our chests. An evil shadow followed us on every quest. Never to feel joy again was our fate. Only misery and death, fear and burning hate. We broke the law, betrayed the code, now time is running out. An unforgivable offense, of that there is no doubt. Now as we stand before the gallows waiting for the end, I'll say these final words, my friend. At sunrise we all dance a hempen jig, so raise up your pint of rum and take another swig. The curse of Captain Morgan has led us to this fate, so have no fear and don't look back, the afterlife awaits. Waiting for our truth!